Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça, c'est l'Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe & Roll, votre émission pour parler d'actu européenne sur Fadjet. Cette semaine, les théâtres français sont occupés pour protester contre leur fermeture en pleine crise sanitaire. C'est l'occasion pour nous de revenir sur le théâtre en Europe, son histoire, ses différences selon les pays européens et l'impact de la Covid sur le théâtre en Europe, mais aussi plus généralement sur le monde culturel. Alors avec nous déjà Jacques pour une chronique sur l'histoire du théâtre en Europe. Bonjour Jacques. Bonjour Anaëlle, bonjour à tous. Ensuite, nous avons Marion qui va participer à la discussion. Salut. Et enfin, Lucas nous organise les musiques et une petite chronique sur le théâtre en Europe aujourd'hui. Alors Lucas, c'est à toi, tu peux commencer l'émission avec ta chronique actuelle sur les stars du théâtre européen et sur le théâtre européen aujourd'hui. Et oui, bonjour Anaëlle et bonjour à tous. Cette semaine, Europe & Roll se penche donc sur une des thématiques peut-être des plus d'actualité en ce moment. Europe & Roll s'intéresse à cet art en voie de disparition avec la situation sanitaire actuelle, le théâtre. Et Anaëlle, tu n'es pas sans savoir que l'Europe, notre cher vieux continent, est le berceau même du théâtre, notamment en Grèce antique évidemment, mais aussi à l'époque de la Rome antique. C'est donc parti pour un petit tour d'horizon des origines du théâtre en Europe, et donc notamment en Grèce et dans l'Empire romain. Les origines du théâtre grec, nées d'une lente évolution des légendes chantées, sont mal connues, et l'on se borne souvent à des hypothèses. Mais comme l'attestent des textes d'Aristote, il est très probable qu'au début on ait représenté dans l'enceinte même d'un sanctuaire l'histoire d'un dieu. Ainsi, on montrait à la foule la passion de Dionysos, considéré comme le père de la tragédie. Dionysos d'ailleurs qui, dès son enfance, haï par les titans, et comme l'Osiris des Égyptiens, dépecé et jeté dans une urne d'eau bouillante. Mais son cœur, gardé par Pallas, le fait renaître, comme la vigne taillée et rabougrie qui ne cesse de donner du vin. De cette tragédie, légende de mort et de renaissance, donc, naît la tragédie grecque. La tragédie est le domaine du destin et des héros, quant à la comédie, elle est, elle, le domaine du peuple. Son origine est parallèle à celle de la tragédie, et il semble qu'elle soit issue des fêtes agraires et des orgies en honneur de Dionysos. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, l'action prend toute son importance, le cœur étant tout à fait postiche et atrophié, et ne venant pas interrompre le cours de la pièce. D'autre part, on introduit dans la comédie le mime qui existait déjà dans les pièces d'Aristophane. C'est du théâtre grec d'ailleurs qu'est né tout le théâtre de l'Europe occidentale. Et justement, comme le théâtre grec, le théâtre latin tire son origine des fêtes en l'honneur de Bacchus, Priapé et Libère. Mais de bonne heure, l'influence grecque se fait sentir. En fait, les latins, hommes de guerre et d'action, sont peu enclins au théâtre. Malgré le goût du spectacle, commun à tous les peuples méditerranéens, leur théâtre n'est que la copie de leurs illustres devanciers. En effet, si les premiers dramaturges romains, Naevius et Ennius, ont essayé de mettre en scène des sujets proprement latins, bientôt la tragédie latine, fortement influencée par Euripide d'ailleurs, tout cela devient une imitation purement livresque. C'est surtout la comédie qui connaît en fait le succès à Rome. Après Terence, le théâtre latin sombre dans le plus grand oubli, et les comédies ou les tragédies ne sont plus écrites pour la scène, mais pour la lecture. À côté de ces pièces délicates et décadentes, un genre typiquement romain apparaît, les atellanes, des petites pièces bouffonnes et grotesques, qui préfigurent la comédia dell'arte. Mais c'est surtout le mime et le pantomime qui font fureur sous l'Empire, grâce à des mises en scène luxueuses où l'on représente au moyen de gestes soutenus par la musique des scènes lascives ou érotiques. Ces débauches de mise en scène amènent le public à demander un plus grand réalisme, et le théâtre est délaissé en faveur du cirque et des combats de gladiateurs. Voilà en tout cas pour les origines du théâtre en Europe, Anaëlle. Voilà pour cette petite pensée à tous les théâtres tristement fermés en ce moment et que nous espérons voir bientôt rouvrir. Merci beaucoup Lucas pour cette chronique. Maintenant, Jacques, tu vas nous parler un peu de l'histoire du théâtre en Europe. Pour tout vous avouer, lorsque j'ai appris que cette émission serait sur le théâtre en Europe, à part l'actualité, je me demandais mais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler? Et finalement, au fil de mes recherches, vraiment ce qui est apparu, ce qui est devenu un peu évident, c'est que le théâtre, c'est un de ces fils rouges qui réunit l'Europe depuis l'Antiquité. Ainsi, le théâtre naît en Europe au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et ça fait partie de ces textes de référence des racines de l'Europe, vraiment. Et en Grèce, c'est avec la tragédie que le théâtre apparaît, puis il se transmet aux Romains, qui eux font plutôt des scènes de comédie, de farce, et qui en profitent pour narrer certaines histoires, pour porter certains messages au moment de cérémonies religieuses notamment.

Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Ça tourne autour de sentiments, tu sens, tu mens, tu vis, tu veux. Y'a que le décor et les costumes qui sont amenés à changer. Ça dépend des moyens de la prod, on n'a pas tous les mêmes budgets. Moi j'ai grandi au cœur d'un beau théâtre occidental, loin des troupes du tiers-monde et des acteurs qui ont la dalle. Et j'aime le théâtre de ces pays où la scène est à même le ciel, où les intrigues se resserrent souvent autour des valeurs essentielles. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Y'a les grandes scènes de comédie et les bouts de drame contagieux. Et puis y'a tous ces imprévus, ces fous rires, ces dérapages. Moi je n'aime ce théâtre que quand l'intrigue sort de la page. Sois patient, reste en coulisses quand résonnent les coups de tonnerre. Et quand la scène est compliquée, appuie-toi sur tes partenaires. Ils te seront indispensables pour atteindre tes objectifs. N'oublie jamais cet adjectif, théâtre est un art collectif. À toi d'observer dans l'ombre quand on t'attend dans la lumière. À toi de prendre le devant de la scène quand le scénario te prévoit derrière. Écorche un peu ce qui est écrit, la vie aura un autre parfum. Ta pièce aura une plus belle fin, écoute une dernière fois ce refrain. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Et après cette pause musicale, on va commencer une discussion du coup avec Marion et Jacques sur l'impact du Covid, de la Covid, pardon, sur les théâtres. Oui, on peut dire les deux. Maintenant, je suis bien de là, sur les théâtres en France puis en Europe. Donc oui, en ce moment, il y a un grand mouvement d'occupation des théâtres en France, que ce soit à Paris avec l'Odéon, mais aussi dans toutes les villes de province en fait même. Bien sûr, puisque le monde de la culture là, est bien endommagé par cette crise de la Covid, avec les théâtres qui sont fermés et qui ne sont pas prêts de réouvrir, si on a bien compris. Et qu'en est-il un peu des autres pays, du coup, hormis la France? Est-ce qu'il y a des pays où les théâtres sont encore ouverts? Il y avait une sorte de petite polémique, puisque Jean Castex à l'Assemblée avait dit « Oui, mais de toute façon, les lieux culturels sont fermés partout en Europe ». Quand ça commençait à chauffer, ça chauffe aujourd'hui. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mouvements. Là, il y avait les étudiants qui étaient très revendicateurs là, ces dernières semaines. Là, maintenant, c'est plus le monde de la culture et c'est normal, il faut se réveiller. Mais du coup, Castex a dit oui, mais de toute façon, c'est pareil partout, tout est fermé. C'est faux. Alors, honnêtement, dans la plupart des pays, effectivement, c'est fermé. Par exemple, en Allemagne, tout est fermé. En Angleterre, tout est fermé. Mais il y a des petites particularités, par exemple, on doit mentionner le Portugal, où la plupart des choses sont ouvertes. Les théâtres ouverts. Ouais, les théâtres ouverts, les cinémas ouverts, les musées ouverts. Je crois même qu'il y a des concerts, mais c'est après assez drastique, donc il y a des conditions assez strictes, mais c'est quand même ouvert, et du coup, il y a le monde de la culture qui peut quand même continuer à se développer. Il y a en Espagne aussi, qui continue... En Espagne, on a différents modes de fonctionnement en fonction des régions. Par exemple, à Madrid, les théâtres sont ouverts, etc., à 50%. Donc, la jauge est à 50%. Il y a des restrictions assez intenses. Par exemple, même dans un concert, les musiciens, à chaque fois, ils sont séparés par des blocs de plexiglas. Quand il y a des théâtres, ils ne doivent vraiment pas se toucher, etc. Mais par exemple, en Andalousie, tout est possible. En fait, juste, il y a un couvre-feu à 21h. Donc, à 21h, tout est fini. Mais tout reste ouvert. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en Espagne, fin décembre, ils avaient fait même un test, un concert test avec plus de 500 personnes. Légal, organisé et tout, et avec des tests avant, après, il y avait eu zéro contamination, donc ça encourage peut-être, et donc voilà, on voit qu'en France tout est fermé, en Allemagne tout est fermé, mais qu'il y a des choses qui marchent ailleurs, et il y a même l'Irlande aussi, où la plupart des choses sont fermées, mais spontanément, il y a quand même des expérimentations, mais plusieurs. Par exemple, en France, on avait dit, oui, on va essayer d'ouvrir là, etc., pour l'instant, ça n'a pas eu lieu, mais si Jacques, tu veux dire quelque chose après, mais en Irlande, du coup, voilà, ponctuellement, il y a des théâtres quand même qui sont ouverts, des concerts possibles. En fait, sur la France et par rapport à cette comparaison avec l'Europe, c'est vrai qu'en France, finalement, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Il n'y a rien qui est ouvert. En Europe, ça se fait, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que par exemple en Espagne ou au Portugal, c'est encore ouvert parce que l'État n'a pas les moyens, en fait, de payer des aides pour aider à la reprise ensuite et pour attendre la reprise maintenant. Là où en France, et je suis bien d'accord que ça ne remplace pas des activités culturelles, mais en France, l'État peut aider et aide effectivement ces secteurs. Ouais. Et puis autre chose. Pour la France, là, j'ai pu lire récemment une note du Conseil scientifique et dans les différentes parties, ils parlent des endroits qui, de selon les dernières études, font des contaminations ou pas. Et apparemment, les lieux de culture, donc les musées et les théâtres dans une certaine mesure, je crois que ça dépend un peu de la taille, etc., eh bien, sont peu particulièrement des lieux de contamination. Et donc, peut-être qu'on pourra essayer. Oui, parce que les gens, finalement, ils y vont entre amis, ils vont en famille, des gens qui côtoient d'habitude tous les jours. Il suffit de mettre ils portent jauge, le masque. Voilà. Il suffit de mettre un siège sur deux. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté aussi derrière? Oui, c'est ce que j'allais dire. Certes, il y a un point de vue économique, comme Jacques l'a dit, a souligné, en fonction des pays, les États n'ont pas les mêmes moyens pour aider le secteur de la culture, mais je pense qu'il y a aussi une volonté qui est plus historique. Par exemple, en Belgique, les musées sont ouverts et c'est juste un choix qui n'a rien d'avoir avec l'économie. On s'est dit, OK, il suffit de mettre une jauge, le virus ne va pas plus circuler dans les musées que dans les magasins en heure de pointe. Donc, pourquoi pas pourquoi les fermer, tout simplement? Et c'est des questions, après, assez idéologiques. Et c'est pour ça que, pour moi, on peut manifester, on peut se battre. Parce que là, c'est pas danger sanitaire, que économiquement. C'est vraiment toute une idéologie. À quelle place on accorde à la culture? Et ce qu'on oublie, c'est que voilà, la culture, elle rapporte aussi économiquement énormément. Rien que pour l'industrie cinématographique, on estime que 10 millions d'emplois seront perdus en 2020. Dans les musées, ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. Dans toute l'Europe, quand même, pas 10 millions en France. Oui, donc tout ça, c'est pour dire que ça peut être une manne économique qui ne soit pas non plus un danger. Pour les musées, je suis d'accord, il faudrait les réouvrir, parce qu'effectivement, si on les compare à un supermarché, on comprend mal comment est-ce que la situation serait différente. Et tu parlais d'idéologie, et peut-être que c'est... une espèce d'interprétation par le gouvernement du fait qu'il faille une égalité de traitement partout. C'est-à-dire, si une partie du secteur de la culture est fermée, eh ben alors tout est fermé. Oui, mais poussé et à l'extrême vraiment... depuis un an... Je suis d'accord, depuis un an, c'est très long, et il faudrait les réouvrir, mais enfin, je pense pas que ce soit vraiment une idéologie contre la culture. Ouais. C'est peut-être plus... sur ce genre de considérations qui ne sont pas forcément justes, mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre. Qui ne sont pas justes, et ouais, peut-être que ça fait écho du coup au fait même que le coronavirus c'est beaucoup plus létal chez les personnes âgées et que finalement les jeunes sont même plus confinés que les personnes âgées en ce moment, donc avec pas de cours en présentiel, etc. Donc c'est... On dérive, oui. On dérive. Parce mais... qu'on est étudiants et qu'on oui, dit oui, ça. Oui, l'équité, ça va 2 minutes, quoi. Voilà, on va continuer après une petite pause musicale en parlant plus de ce qui se passe dans tous les pays européens et de quelles sont les solutions proposées par les différents gouvernements. Pour la deuxième pause musicale d'Europe & Roll, Lucas a choisi de changer de langue et de passer du côté autre Rhin chez nos amis allemands. C'est une chanson intitulée « Theater » de Katja Epstein, qui avait été d'ailleurs la chanson officielle de l'Allemagne pour l'Eurovision en 1980. On écoute Epstein sur Europe & Roll. Belangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie es tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Steve. Fieber schlägt. Alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Theater, das Tor zur Fantasie. Theater, Theater, nur der bleibt dir treu, der dich voll Leidenschaft liebt. On se retrouve donc après cette deuxième pause musicale pour continuer notre discussion débat sur l'impact de la crise sanitaire sur les théâtres et plus généralement sur le monde de la culture en Europe. Et donc maintenant, dans cette deuxième partie de discussion, on va avoir un peu les réponses des différents gouvernements, des différents pays européens pour aider justement ce monde de la culture. Donc déjà en Bulgarie, le ministère de la Culture prévoit de lancer une série de concours afin d'encourager la lecture, financer les réseaux des bibliothèques bulgares, mais aussi soutenir les auteurs et les éditeurs pour un coût de l'opération de près de 1 million d'euros. Au Danemark, il y a aussi plusieurs fournisseurs de radio qui ont décidé, en accord avec le ministère de la Culture, de diffuser davantage de musique danoise sur leurs ondes, donc justement encore pour promouvoir les artistes nationaux, donc être plus sur du local. Et en Irlande, on a un programme développé par le Conseil des Arts, l'Artist COVID-19 Fund, qui prévoit une subvention allant jusqu'à 3 000 euros par artiste pour encourager la création de nouveaux contenus par les artistes irlandais qui sont basés en Irlande. Donc, on est vraiment sur des programmes nationaux. Après, Marion, t'as des infos sur d'autres pays, me semble. Ouais, et à chaque fois, chaque pays a essayé de mettre en place un peu une politique qui est plus ou moins ambitieuse, ouais. Mais qui nécessite aussi que derrière, il y a des citoyens, par exemple en France, au niveau du... Lors du premier confinement, il y avait quand même un encouragement à part demander le remboursement des billets. C'est la même chose aujourd'hui en Hongrie. Et le champion des aides, bah, ça a l'air d'être la France quand même. L'Allemagne aussi qui aide beaucoup la culture. Il y a une contribution des Länder plus une contribution à un plan de relance nationale. Alors, si on se penche particulièrement sur le théâtre, ceux qui souffrent le plus, ce seraient les comédiens du Royaume-Uni. Il y a vraiment eu aucune aide pendant le premier confinement, donc en mars dernier. Okay. Et alors que Londres, on sait que c'est vraiment la capitale presque de la comédie musicale, du théâtre, mmh. etc., avec plus de billets vendus qu'aux États-Unis. Et en fait, les ventes de billets ont chuté évidemment de 93%. Et les théâtres n'ont pas pu compter sur la période de fêtes pour se renflouer, etc. Alors le gouvernement maintenant a décidé d'une aide de 1 milliard d'euros. Mais la crainte, c'est que ça bénéficie qu'aux grandes institutions, qu'aux grands théâtres, et qu'il y ait une perte de talent aussi, parce qu'il faut dire que dans le milieu de la culture, il y a beaucoup aussi de gens qui ont des pigistes qui ne sont pas salariés de manière durable, et du coup, ces aides, bah, elles vont venir en aide à l'entreprise, aux salariés, mais finalement, ceux qui étaient peut-être bons au théâtre et qui venaient ponctuellement, bah, ceux-là, ouais. Bah, ils sont obligés de se... Et juste se réorienter. Ouais. Et pour rebondir sur cette perte de talent, juste oui, il y a aussi tous les étudiants qui hésitaient à se lancer dans cette filière de la culture, qui dans cette pleine crise sont complètement dégoûtés et se disent j'ai aucun avenir dans ce monde. Là, on ne sait pas quand la culture va ouvrir. Qui est aussi peu considéré par le politique aussi. Ouais. Etc. On n'est pas pris en considération. Donc, on a aussi une diminution de la motivation des jeunes à s'orienter dans ces filières. Et maintenant, on va finir sur la France. Ouais. Non, en France, comme tu le disais, il y a eu de nombreuses aides. Bah, déjà, par exemple, le budget pour la culture est 3 fois supérieur à celui pour au Royaume-Uni, avec 3 milliards de budget. Et puis, par exemple, pour les comédiens, bah, ils ont un droit au chômage qui est calculé sur la période d'avant Covid et qui est maintenu. Ils ne payent pas d'impôts sur une partie importante de leurs revenus. Là aussi calculé sur la période d'avant Covid, donc il y a tout de même une certaine aide financière, mais là aussi c'est là que le Covid est intéressant, c'est que ça nous permet de nous rendre compte que bah, le travail c'est pas qu'un salaire, c'est une activité qui nous forme nous-mêmes. Ouais, tout à fait, c'était des beaux mots pour finir cette émission, Jacques, merci beaucoup. Et on va tout simplement finir sur une dernière pause musicale. Vous pouvez retrouver donc cette émission European Roll, donc déjà sur Fadjet si vous êtes en train de l'écouter, mais ensuite aussi sur Encore ou Spotify. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup Anaëlle aussi d'avoir animé tout ça. Au revoir à tous. Et on se quitte sur un peu de musique classique, en anglais cette fois-ci, pour terminer sur une émission trilingue, avec le titre Welcome on the Theater de Lauren Bacall. Désolé pour la prononciation. Bonne écoute et à la semaine prochaine sur Europe & Roll. Welcome to the theater, to the magic, to the fun, where painted trees and flowers grow and laughter rings fortissimo and treachery sweetly done. Now you've entered the asylum, this profession unique. Actors are children playing hide and ego seek. So welcome, Miss Eve Harrington, to this business we call show. You're on your way to wealth and fame. Unsheathe your claws, enjoy the game. You'll be a bitch, but they'll know your name. From New York to Kokomo. Welcome to the theater, my dear. You'll love it so. Welcome to the dirty concrete hallways. Welcome to the friendly roaches, too. Welcome to the pinchers from the stagehands. It's the only quiet thing they do. Welcome to the Philadelphia critics. Welcome, Librium and Nebutol. Welcome to a life of laryngitis. Welcome to dark toilets in the hall. Welcome to the flop you thought would run for years. Welcome to the world of fears and cheers and tears. Welcome to the theater. With some luck, you'll be a pro. You'll work and slave and scratch and bite. You'll learn to kill with sheer delight. You'll only come alive at night when you're in a show.